allez seul. Onkel Rainer rentrera les sueurs. Oh les cœurs sans heure, on hurlera de peur. Du vide du fond de cœur, de l'empire du pire. Sale et seul. Onkel Rainer rentrera les sueurs. Oh les cœurs sans heure, on hurlera de peur. Du vide du fond de cœur, de l'empire du pire.